Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Samedi 5 janvier, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des éclairs de Charlevoix au complexe sportif de Dolbeau. Prix du billet seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! On va parler de motoneige. C'est la chronique de motoneige avec notre collaborateur Louis Garriépi. Bon matin, M. Garriépi. Bon matin, M. Dany. Hey, vous êtes dans le coin à Dolbeau-Mistassini, mais êtes-vous perdu? Pas du tout. OK. Donc, on est dans la région parce qu'on est parti le 2 janvier au matin. Ouais. On a rejoint des amis des États-Unis qui viennent ici depuis nombre d'années. OK. Et on se promène dans des beaux sentiers, on fait le tour, parce que comme il y a beaucoup de neige dans le secteur, alors c'est pour ça qu'on est dans le secteur. Il n'y en a pas beaucoup, par exemple. Comparé aux autres années, là, évidemment, ça a tombé beaucoup au début de l'année, puis par la suite, ça, avec la pluie verglaçante qu'il y a eu pendant la période des fêtes, ça a fondu beaucoup, là. Oui, c'est sûr qu'effectivement, juste avant Noël, là, on a eu, d'ailleurs, quasiment tout le Québec a eu un coup dur, là, au niveau de la pluie, puis alors c'est sûr qu'effectivement, ils ont perdu beaucoup de neige, mais quand même, le couvert de neige actuellement, il est suffisant, il n'y a pas de problème. OK. Qu'est-ce que, donc, est-ce que les trains sont bonnes, les pistes sont intéressantes quand même, du côté de ce que vous avez vu, vous êtes parti de Montréal le 2 janvier, donc ce que vous avez vu, c'est au Saint-Jean, c'est pas mal ce qu'il y a de plus beau, parce qu'il y a eu un article hier dans le quotidien là-dessus, là. Ben, écoutez, les conditions étaient bonnes. C'est sûr que nous, on a parti de la Mauricie, là, de Saint-Alexis-des-Monts, dans la Naudière, en réalité, pour le point de départ. Mais c'est sûr que le 2 et le 3 janvier, bon, comme c'est la période des fêtes, il faut comprendre que les bénévoles, ils ont le droit de fêter avec leur famille, comme tout le monde. Hein? Alors, c'est sûr que le 2 et le 3, là, on sentait qu'il y avait eu de la neige et puis ça n'avait pas été damé récemment. Mais au fur et à mesure, là, on a rencontré des surfaceuses, là, et là ça s'est établi. D'ailleurs, dans certains coins, là, ils ont commencé là, à ouvrir des sentiers même au nord de la région de Montréal. OK, OK. Donc, est-ce que vous avez eu l'occasion, je sais que vous êtes actuellement, ici, vous n'avez pas eu le temps de voir les ordinateurs pour voir les pistes, quelles sont les plus belles pistes actuellement? Ben écoutez, on a quand même été à Robertval, là on est à Dolbeau, là on voulait faire le 49e parallèle, mais là on va changer peut-être notre itinéraire ce matin, là. Mais c'est sûr qu'on va revenir pour aller essayer le 49e parallèle, là. Ouais. C'est un must pour cet hiver. Là on va retourner probablement là, soit par le lac Bouchette ou par le parc des Laurentides, pour revenir là, vers la Naudière, la Mauricie, tout ça, là, okay. Pour le moment. Là. Mais c'est sûr qu'on va revenir pour faire le 49e parallèle. Mais, règle générale, les sentiers sont en bonne condition. Bien sûr, il y a parfois, la signalisation n'est pas tout à fait installée, mais c'est comprenable. Moi, je me dis toujours que pour des gens qui sont moins habitués, c'est à partir surtout du 15 janvier que là, on voit que le tout est mis en place là, pour recevoir les touristes là, et la communauté motoneigiste à partir du 15 janvier. Il faut comprendre que, comme je disais tantôt, bon, les bénévoles, ils ont le droit de fêter dans le temps des fêtes aussi. Hein? Ouais. Fait que, dites-moi, c'est quand un peu comme à l'image de la pêche, il y a une fin de semaine que les gens peuvent aller partout, et ils se font pas arrêter? Ça, c'est la fin de semaine des portes ouvertes. Là. Ouais. Ça, c'est de mémoire, c'est le 19 et 20 janvier prochain. Là. Donc, c'est bientôt. Alors, ça va justement avec. Oui, oui. Ouais, OK. Oui, c'est que là, les gens, ils doivent avoir une assurance responsabilité civile de minimum 500 000, mais au moins, ils n'ont pas à faire l'achat du droit d'accès pour ce week-end-là. Okay. Et il y a plusieurs aussi, soit des Américains ou autres, qui, ce qu'ils font, c'est qu'ils prolongent. Mettons, ils achètent un droit d'accès pour trois jours, et avec ce deux jours-là, ça leur donne cinq jours. Ça, il y a plusieurs, quand même, Ontariens ou Américains, qui en profitent pour ajouter là, trois jours, ou des fois une semaine, ça leur donne quand même plus de jours à cause des deux jours de porte ouverte. Okay. Ça, ça va avoir lieu le 19 et 20 janvier. Et mais là, c'est sûr que là, les motoneigistes commencent à appeler les présidents de clubs, commencent pour l'ouverture des sentiers, là, pas ici, parce que c'est ouvert depuis un certain temps, mais comme je disais, là, dans la région du nord de Montréal, là, mais là, ils s'activent actuellement parce que, bon, ils annoncent quand même un peu une bordée, là, lundi, mardi, là. Okay. Alors ça va aider également là, pour donner une meilleure surface, là. Okay. Actuellement, c'est très, très, très bien, moi, je trouve que... Ah ouais, puis il fait beau aussi. Toute la pluie qu'on a reçue partout. Mais je regardais aussi, j'ai vu un reportage du Bas-Saint-Laurent, là, et puis là, eux aussi, ils avaient été arrêtés comme beaucoup de régions, beaucoup de clubs, et avaient été arrêtés pendant une dizaine de jours. Et là, ça reprend, là, et puis ça fonctionne. Parce qu'il faut penser que la saison touristique, c'est vraiment le mois de la motoneige, c'est très bien. OK. Là, tout le monde s'active pour préparer ça. OK. Ben, ça vous fait pas mal le tour pour cette semaine, Monsieur Louis. On se reparle la semaine prochaine, probablement vendredi. Bon, mais c'est très bien, Daniel. Merci beaucoup. Louis Garriépy, notre chroniqueur motoneige.